Salut tout le monde, les terriens et les lunatiques et les gens qui travaillent dans les camions et les gens qui sont au boulot et qui nous écoutent en douce. Hein. C'est Rimbaldi en tape qui commence en ce mercredi matin. Nous sommes en direct depuis les studios de l'Écho. Et le principe de l'émission, c'est qu'il y a un invité, plus ou moins quand même dans le monde du livre, écrivain, éditeur, poète, chanteur, toutes ces choses qui tournent autour de l'écriture. Et du coup, notre invité aujourd'hui, c'est Bisecta de Kinsame. Enchanté tout le monde. Voilà, que vous connaissez peut-être parce que tu nous accompagnes dans les nuits de lecture. Ouais. Et puis j'aime à soutenir l'Écho, parce que comme je te le disais, l'Écho est une preuve en fait, une preuve qu'une idée et que quelque chose de libre et de non commercial peut exister. Et ça, je tiens à le souligner et bien sûr, toujours à accompagner. Oui, donc on aura l'occasion de discuter, on parlera des ateliers d'écriture de l'Écho, on parlera peut-être des paroles à scrupules. Et puis aussi, on verra, il y aura sans doute des chemins qui se faufilent entre tes textes. Mais enfin, bon, l'idée de l'émission, c'est quand même que l'invité lise ses poèmes, qu'on t'écoute, qu'on capte un peu ce qui est dit, ce qui est compris, ce qui est entendu. Et ce sera intercalé par de la musique, tranquille, de façon à ce que... Sans idée, non, je présente. Des musiques sans idée. Idée, I majuscule D. Ah, d'accord. Qu'en faire bref. Yo, okay. Bon, voilà, vous êtes informés sur la ligne de conduite de l'émission. On envoie de la musique et on commence juste derrière. Voilà. Thank you. Voilà, c'est Zéro qui seront en concert le samedi 12 mars au Black Sheep à Montpellier, c'est à Louis Blanc, c'est une bonne salle. Tu connais un peu le Black Sheep, toi ? Pas trop, non. Bah, en fait, au niveau zéro, au niveau rez-de-chaussée, c'est un bar normal pour étudiants. D'accord. En fait, il y a une cave. Mm-hmm. Et dans cette cave, il y a pas mal de choses qui se passent. Ok. Il y avait eu du slam, ça avait été formidable. Une fois, on l'avait slamé là-bas. C'est vrai que t'es bon en slam. Et, À l'époque, c'était super le slam. Il y avait des inhibitions. Voilà. Et donc, Zéro sera en concert au Black Sheep donc, le samedi 12 mars. Et là, on vient d'écouter San Francisco. Voilà. Ok. Bon, maintenant que vous savez ça, vous pouvez écouter la première lecture. C'est parti. De notre invité de ce matin. Préparation pour la nuit. Même alors que le globe orifère n'ouvrage plus rien, le test des psychés semble s'aciduler d'ondes kaléidoscopiques. Timidement, les iris célestes commencent à clignoter, occulté par ces odieuses torches du bitume. Encore un soupçon de spray lumineux et la boule de feu dégringole. Calme à madame, rituel aux litières enracinées, tendre tison à triturer. La conscience est petit à petit lentement évacuée. La marée de l'air s'immobilise. Les gestes gentiment jardinent les pyjamas. Là, une dernière bouffée. Ici, ce son sinueux. Ailleurs, la gorgée ondine. Ou un carré de chocolat. Ou bien des câlins. Quelques bisous. Muette mélopée mammifère guide du dodo des magots. Oreiller railleur de raison. Couette fière cachotière, drap déjà ronronnant les songes, maman lune dépose son gracile sourire, et alors tout ce qui fait office de doudou est au creux des corps. Et même les princes charmants rentrent en dormition, chute choyée infinie, lambeau de limbe embrassé, souffle, ensommeillé. Laisse pas dans tes silences. Yo, vous écoutiez Inya Ishan. Donc, la chanteuse, c'est Kim Thuy Nguyen. C'est une franco-vietnamienne. Hein, et c'est, ce qu'on vient d'écouter, c'est le track qui s'appelle Tes Silences, qui est extrait de l'album II3, qui sortira le 1er avril. Hein. Yeah, toujours avec Bisecta dans les studios de l'Écho. C'est Rimbaldi, c'est le 88.5 de la bande FM dans le coin de Montpellier, partout sur Terre, par le web. Ouais. Et donc, on a dit que... d'abord, j'ai vachement aimé La Marée de l'air dans ton texte précédent. Je me trompe, La Marée... La Marée de l'air s'immobilise, oui. Oui, c'est vrai que ça se trouve, il y a des marées de l'atmosphère, pourquoi pas. Bah, ouais, les dépressions, c'est les anticyclones. Ce sont des marées, en fait. Hein. Bah, des mouvements, oui. Ouais, oui. Une marée, ça peut oui, on a toujours l'impression choses, que c'est la plage. C'est pas forcément maritime, oui. Oui, oui. Ah, c'est super. Pas forcément à queue. Sans bah alors, sexuelle. Toi, tu travailles principalement avec deux artistes. Donc, un qui est très très loin, qui ouais. s'appelle Kiyoto Yoshihara. Voilà. Yoshihara. Ouais, et Patrice Hartmann. Ouais. Donc, Patrice, lui, c'est un Montpellier. Hein. C'est ouais. un peintre, hein, Patrice. Peintre, absolument. Peintre écrivain. Il deux. Écrit très bien, ouais. Yeah. Et quant à Kiyoto, lui, mmh. c'est un pur musicien. Ouais. Et donc, bon, bah, à chaque fois, on en parle d'ailleurs. Ouais. Mais il va s'y mettre à la poésie. Hein. Ouais, ouais. Bah, il a bien raison. Ouais. Dans sa langue, hein, dans le japonais. Ah bah oui, ouais. Bah. C'est un japonais. Et les traductions, ça existe, regarde. Traduction, automatique. Oh, donc, c'est quand il traduit mes poèmes. Ah ouais, il traduit tes poèmes en japonais. Preuve. Ah ouais, ça c'est super ça. Mm. Yes. Bah oui, sinon la musique, les gens... C'est... D'accord. Est-ce que tu es lectrice ou pas, toi? À fond, ouais. Ah ouais. Oui. Ça compte hein, dans l'écriture, la lecture. Oui, ça aide. Ça aide énormément. Mais tout type de lecture aide, pas que la lecture d'un certain alphabet, d'une certaine culture, dans un certain espace-temps. Quoi. Il y a d'autres formes de lecture. Tu as une vie de poétesse, hein, tu as une vie d'artiste. Tu n'as jamais été tenté ou on ne t'a jamais conseillé d'écrire une autobiographie, de nous expliquer d'où tu sors. Plus tard. Plus tard. Okay. Enfin, plus tard, pas dans longtemps, j'espère quand même. 30 ans ou si, voilà. Dans 30 ans. Ouais. Ouh, loulou. Mais j'ai pas fini de vivre les choses. Non, en fait, tu veux vraiment attendre d'être âgé pour écrire ta vie, en fait. Pour la raconter, en tout cas. Ouais, mais en même temps, tu vois, là, c'est... Pourquoi ? C'est pourquoi je raconterai ma vie ? Bah, pour toi, déjà. Pourquoi ? Pour mettre les pierres au bon endroit. Pour aller encore plus loin, je sais pas. Ah bon ? Non ? Je sais pas. Je crois qu'il y a un au-delà de l'autobiographie, non ? Non. Je sais pas. Je dis une connerie. Non, et, non. Et écrire un roman, c'est possible ou pas ? J'ai déjà fait, hein. Ouais, j'ai écrit d'accord. plusieurs romans. D'accord. Mais je m'ennuie un peu dans les romans. J'arrive pas à trouver une forme de prose. J'ai pas encore trouvé le style de prose qui me serait adéquate dans un roman. Moi, je piquais Julia Gracq, moi. J'ai ouais. piqué Julia Gracq. Bon, c'est pas très, très bien de ma part, mais non, c'est ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai essayé, enfin, pour l'instant, ça me satisfait pas, voilà. Donc, tu l'as pas envoyé aux éditeurs. Tout ça, c'est chez toi. Ouais, mais il y a pas mal de choses que j'envoie pas aux éditeurs. Tu sais, comme j'ai dit à Kyoto, better to be asked. C'est mieux d'être appelé. Ouais. Ça, c'est sûr. Mm. C'est bien de rencontrer les gens aussi. Oui, voilà, aussi. Y a et, puis, ça... et puis de laisser le temps faire. Voilà. Aussi. Ouais. Parce qu'il faut travailler, hein, mine de rien. Bah, il faut pas, ouais. Enfin, on arrive à un âge, toi et moi, où on commence quand même à avoir une certaine maturité, hein. On va ouais. dire. Voilà, et peut-être qu'on peut se permettre des choses, de publier des choses aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu il y a 15 ou 20 ans. Ouais. Bah oui. Non, mais je dis trois petits points, 10 bisectas. Ouais. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on fait ? On part sur le texte ? Ok. Allez. Wonders Vermilion Sea. Wonders Vermilion Sea. Wonders Vermilion Sea. Merveille des mers vermeilles. Merveille des mers vermeilles. Merveille des mers vermeilles. S'égaye le ciel qui bégaye sa groseille. Baiser vermeil sur la merveille. Miel à la mer en sommeil. Le soleil appareil, les merveilles des mers vermeilles, et bâille les corneilles en plein conseil. Dans la bouteille, chérie par les flots, sommeille une clé. Clé éternelle, clé pour les oreilles, clé de l'éveil. Les sirènes égayent cette bouteille enceinte de clé d'un chant sans pareil. Clé sur merveille des mers vermeilles. Some really mermaids sing the celestial atlas. Some really mermaids sing the celestial atlas. Some really mermaids sing the celestial atlas. Follow the wonderful soul. Clouds on wonder where millions see. Les vagues matricielles balayent la bouteille féconde de clés. Clés arc-en-ciel, clés éternelles, clés mémorielles, clés pour les oreilles, clés spatio-temporelles, clés de l'éveil sur l'aquarelle des mers vermeilles. Puis la bouteille raye le sable et les corneilles éveillent une autre merveille. Toi, et de tes mains en soleil, tu saisis la bouteille, et de tes lèvres groseilles, tu défrais le bouchon en sommeil. La clé des merveilles, des mers vermeilles, est pareille, pareille à toi. Fusion sur cartographie cosmique. And some serial mermaid sing the celestial atlas. Some cerulean mermaid sing the celestial atlas. Kumo no chizo o tsuki. Voodoo qui sort un nouveau maxi de Rome avec ETC, etc. on revient à nos moutons, Bisecta. Oui. Alors, donc, tu travailles donc avec deux artistes, ouais. Un au Japon et un à Montpellier. Et avec celui de Montpellier, c'est-à-dire Patrice Hartmann, oui. qui est peintre et écrivain. Mm-hmm. Qui est un vieux copain à toi, oulolo, qui était un pote aussi à Chantal Enoch à l'époque. Oui. Et qui fréquentait très souvent aussi. Qui n'a pas trop marché dans le mouvement slam, Patrice. Non, pas beaucoup. Il est trop timide. Oui, je pense. Ouais, c'est un peintre. Hein. Oui, voilà. Enfin, je sais pas. Il y en a qui sont. Oui, mais enfin, c'est un peintre, c'est quand même quelqu'un d'assez silencieux qui travaille dans son coin. Je vois Manuel Montero, il est pas trop silencieux. Oui, bon. Bon. Et du coup, alors, explique-nous le concept. Vas-y. Bien, en fait, ce sont des conversations SMS, et plutôt que de s'envoyer des messages ou smiley ou autre, on en profite pour pratiquer tous les jours, en fait, de la poésie. On s'envoie, ça dépend, ben, selon ce qu'on peut, on va dire. Mais tous les jours. Ouais. Comme tu connais Bradbury, l'écrivain américain. Quand il était jeune, bon, il savait qu'il voulait devenir écrivain. Ouais. Et donc, il avait décidé qu'il écrirait une nouvelle par semaine. Ouais. Voilà, donc il s'y est tenu, mm-mm. Et il a eu raison, il est devenu un grand écrivain. Mm-hmm. Ouais. Et donc vous envoyez des SMS. Et alors là, du coup, c'est les questions-réponses. Enfin, qu'est-ce que tu vas lire là ? Juste ce que toi t'as envoyé ou juste ce que tu reçois ? Mais dans l'historique. Le dialogue, ouais. C'est un dialogue. Ouais, d'accord. Je sais pas comment le nommer sinon. Et ça, vous le faites depuis combien de temps ? Depuis des années. D'accord. Et tout ça, c'est sur un ordi, sur un. Patrice a copié une partie parce que lui, il est bon, pas très ordi, mais quand même, il tape ses textes des fois. Non, souvent. Et sinon, ben voilà, après, c'est sur les téléphones. C'est vrai qu'on peut faire un transfert sur ordi, des trucs comme ça. Ah ben, je sais pas. Si. Vous retapez, quoi, comme on faisait avant. C'est ce que fait Patrice, en fait. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Alors, vas-y. Ok. Alors. Moustiquaire assassine avec souriance, en des vents, les vombrissements encore mirliflores. Peste de peste au pied de la mouche. Qu'on laisse donc les insectes onduler. Un inceste soit-il, fragrance de malheur à l'heure, suite d'un désir d'outrance dans l'alcôve des pluies de femmes. Alcôve humide de ses bras, olvidado, nos problèmes, nos me recuerdo, il est le lion. Les plus affreux plus des rêves affreux naissent de la poésie plus, mais un baiser dur, doux que la mort n'émeut encore. Blinded by blood, j'ai plus besoin d'un truc crade, fait caca. La passiflore adore l'or, les losanges bleus dont l'opacité étrange, la larme d'une insuffisance recourbée sur le sol. Et l'univers pleut à travers des iris forfélins, et quand bien même autistes, sur des musiques lentes, imperfectibles, comme ce goût sans fond à vouloir tout vertiginer, tel un enfant, tel une chatte omnisciente, peut-être aphasique, en haut posée sur une gouttière près d'un toit au-delà des rives, avec ce spray d'écume diamantifère toujours en train d'exploser de cristal instantané. Ouvrir les yeux blanc papier, blanc papier, blanc papier, blanc papier, a dit le pape noir. Idiome, a dit l'idiot blanc. Sauve-moi, la lune est pleine que l'on regarde en bleu, poésie, dis-moi tu, prose sinon moi. Idem, Diane sur la liane, cheveux au vent. Emporter avec elle le secret des forêts. Les idéaux menos par la validation engendrent des émotions, sont des mots que les oiseaux emportent. Quand le jazz est là, Les mots ne se disent qu'à la vague, au vent et au vide. Thank you. The Toxic Avengers, le groupe de Simon Delacroix, qui apparaît sur les radars en 2007 et tout de suite repéré par le label californien Earth Comics. Et retour aux sources électro-techno avec ce troisième album plus profond qui se nomme X. C'est le moment de la com, alors écoutez, on va commencer par nous-mêmes. Sachez qu'il faut envoyer des sous à l'écho. L'écho a besoin de sous pour pouvoir renouveler son matériel. C'est un gros bahut, une radio libre. Ne pas oublier que l'écho est une preuve. Que vous pouvez nous envoyer un chèque par la poste à la boîte postale 50, à Echo, boîte postale 5555 34072 Montpellier Cedex 3 ou sur le site internet de la radio www.echodegaric.com par PayPal, voilà. Bon, vous savez ça. La suite de la com, c'est que il y a la chanteuse de jazz Kasia Karatsek Gomez qui chante avec le Jazz All Stars le vendredi 4 mars, donc le vendredi qui vient à 19h30. L'entrée, c'est 6€. C'est à la Maison des Rapatriés. C'est à côté du Square Tastavin. Maison des Rapatriés, place du Cardinal Verdier à Montpellier. C'est donc à l'arrêt de tram Mas-Drevon. Voilà, 6€, une bonne soirée de jazz. Il me semble que c'est honnête. Voilà, c'est des bons musiciens. J'ai eu l'occasion de les écouter. Oui, c'est des bons musiciens. Cool. C'est une très bonne chanteuse. C'est pour ça que d'ailleurs je fais la com, parce que ça, c'est pour soutenir les gens qui en ont besoin. Oui. Et qui le mérite. Alors ensuite, un deuxième truc qui s'appelle Accord rompu. Donc, je vous lis l'affiche. Solo de danse contemporaine et théâtre à partir de 13 ans. Un cri de liberté porté par un corps et un texte. Une sensation leitmotiv comme le fil rouge entre la danse et le théâtre. Ça se passe le 3, 4, 5 mars à 19h30 et le 6 mars à 17h à la Maison pour tous Georges Sand, 22 avenue de Novigan à Montpellier. C'est 7 ou 9€ l'entrée. Enfin, la participation et les informations et la réservation se font par téléphone au 04 67 79 22 18. Ces matières vivantes interrogent la condition féminine au travers du corps, territoire, lieu de pouvoir. Tout se joue à partir d'un carré de scotch rouge qui fait la taille de la danseuse. Le mouvement se heurte, rebondit ou joue avec les frontières de ce carré. Dans ce rapport à l'espace, le langage du corps plonge le spectateur dans une intimité, une ambiance, quelque chose à ressentir par les pores de sa peau, plutôt que de lui faire entendre intellectuellement. Oui, donc vous trouverez à la chorégraphie et à la danse Amélie Durand, mise en scène et textes de Anne-Sophie Giono, les corps collectifs, la bande sonore c'est Sébastien Casino et le chant Adriane Choucourt et Viviane Hélary. Création des lampes, Léandre Courty. Voilà, ça c'est à Georges V et ça a donc lieu demain jeudi, vendredi, samedi à 19h30 et le 6 mars à 17h à la Maison pour tous Georges Sand. Il me semble que j'ai presque tout dit. Un dernier truc, une exposition du 7 mars au 18 mars. Le vernissage, c'est le 10 mars à 18h30. Écrin du vide ou les loges du mur, ce sont des peintures de Nathalie Legal, qui a fait pas mal de choses, Nathalie Legal. J'ai eu un peu son historique là sur le fichier. Voilà, ça vaut le coup d'aller voir. C'est à la maison de la jeunesse culturelle, à MJC, quoi, de Castelnau-le-Lez, centre André Malraux, 10 avenue de la Moutte, donc à Castelnau. Vous pouvez vous renseigner au 04 67 02 99 40 ou par internet à contact@mjc-castelnau.fr. Et j'ai fini la com. I know just what it takes to be with you. Don't know any other way to be with you. I'm gonna go and rob a bank. I'm gonna get myself a game. I'm gonna be a criminal. Criminal, a criminal. Oh, I know how far to go. Voilà, vous venez d'écouter Sarah Rebecca Krebs, qui est une Parisienne du Mississippi, passée par San Francisco et aperçue dans Slove avec ce titre qu'on vient d'écouter, Criminal. C'est le 88.5 de la bande FM à Montpellier, c'est le www.ecodegary.com partout sur Terre, et c'est l'écho, et donc c'est Rimbaldi, on est en direct depuis les studios, avec Bisecta, qui va partir dans une nouvelle lecture quand elle aura fini de prendre les locaux en photo. Yes, sir, yes. So, follow the first sun, follow this sun, follow the firelight. Ce clan doit rejoindre le premier soleil loin des steppes Adal, où nos ancêtres cendrent ces sols serpentins que lèche le grand loup bleu. Des spectres scintillent sous l'azur, de poussière en poussière pousse hier, et la lumière fière enfante nos pas vers ces chaleurs mellifères, adeptes des abysses qui espèrent. Quelques cavernes patientent sous l'augure aqueuse, en ces sources suiveuses, chercheuses des premiers sangs, claudiquant du Big Bang, la berceuse. And the shaman say, follow the first sun, follow this sun, follow the firelight until the fresh date caves. La grotte de l'ours, occultée par le lierre, nous promet l'aubépine, mais aussi le gardien des portes. Alors, au nid solaire, notre voyage s'enracinera sous la ponte des nuées quinquantes, le karimba de l'homme aux œufs bleus. Sipping life out of my body still. Voilà, vous venez d'écouter le New-Yorkais d'adoption Mas Kotik qui jouait Soul. Et c'est sorti le 5 février chez Sub Pop. Voilà. Donc, c'est la dernière ligne droite de l'émission. Bisecta va donc lire un ou deux textes. Et ouais. Puis, d'ailleurs, ce sera le temps du générique déjà. Au nexus d'une discussion, s'use ses passions sans raison. Attendre que se déroule l'air à lire. Tendre trouble où hier est pire, puis repartir avec un songe en longe. Qui tenir à sec s'y plonge le long de la faille, ton propre donjon ? Se taire, autrement, à l'intérieur de l'autre, justement, jouir sous les yeux du prédateur et faire à chaud les pensées polaires, un mot désolé de l'air. Puisque la dénomination scelle les choses, spasme de furie à leçon rose, next nexus 1, troublions sans sexe, next nexus 1, tourbillon du sexe, next nexus 1, le tourbillon se vexe au suivant. Et alors du coup, un deuxième texte dans la foulée. Sauterelle, scintiller et croiser savamment à chaque seconde creuse. Quinconce écrase son sillage spatial, crève. Senteur crié assurément entre les carrés affleurés. Culte des couards salivant sur les présents carnassiers. Catharsis aux caprices sur calculatrice, calomniatrice. Chris, Chris, que tisse ses cuisses. Crisis crunch, ah, cozy cracks. Cute cube, crisis, the crisp crutch. Greek, a crazy creation, closed in credit card. Cryptic cry in front of this crony screens. Group crop craving the crit creature. Signing cycle, sir. All the grace, cried iter. Sautillé d'incarcération en incarcération créditrice. Sautillé. Comique cosmétique sous cravate corticale. Cravaché, sa courtoisie au contresens des contredanses. Crânien que croque cette couronne. Criblé, craindre le corpus du crépuscule sur cursus cyclonique. Close clavé au clavier d'une clientèle coagulée. Yeah, en fait, je t'ai posé une question complètement débile tout à l'heure. Je te demandais si tu voulais faire ton autobiographie. Et en fait, je me rends compte que dans ta poésie, en fait, c'est de l'autobiographie. En fait. Ah ouais? Bah oui. Oh merde. Bah si, déçue, quand même. Bah oui, si. Si, si. Ça fait 30 ans que j'avais 40 ans que j'écris, quoi. Tu dis ça maintenant. Mais je pense que l'écrivain raconte sa vie. Et c'est justement ce que je m'empêche de faire, tu imagines le truc. Ah bon, d'accord. Ah ouais. C'est ta consigne. C'est personne. Pour ça que je t'ai dit, ça fait 40 ans que je fais ça. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Non, non, mais tu fais bien de faire mais remarquer. Je crois que malgré. Merci. Oui, c'est ça, c'est ce genre de choses. On a beau tout faire pour éviter, ouais. on fonce dans le mur. On peut peut-être profiter de la fin de l'émission quand Stéphane jugera nécessaire, il enverra le générique par les ateliers d'écriture. Ça serait bien, ouais. Donc sachez que le lundi soir de 8h à 23h on écrit dans les studios, ouais, de l'écho, et qu'ensuite vers 23h15-20 on passe à l'antenne pour dire ce qu'on a produit. Voilà, il y a des consignes d'écriture, c'est un atelier d'écriture. Oui. Voilà, bon, on n'est pas très nombreux, donc franchement, vous pouvez venir. Oui. Y a moyen de faire un covoiturage, oui, depuis Victoire 2, qui est la station de tram la plus proche. Oui. Sinon, vous vous débrouillez. Voilà, à côté de la nouvelle polyclinique Saint-Roch. Donc voilà, vous êtes conviés, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Le prix, il est libre, c'est gratuit. Oui. Enfin, ça, c'est pas un souci. Voilà, en tout cas, c'est une bonne manière de venir visiter la radio, de rentrer de l'autre côté du poste et puis d'écrire des choses intéressantes, radiophoniques. Oui. Voilà. N'oubliez pas aussi les soirées Powell. Donc, ça, ce sont des cercles poétiques et ouverts. Et ça reprend quand ? Donc, ce sera le 15 mars, okay, à la librairie Scrupule. Donc, pareil, de 8h à 23h, minuit, c'est moi qui ai les clés, on, oui, termine quand on veut. Voilà, donc vous savez tout. Scrupule, c'est une librairie indépendante qui se trouve au-dessus de la pleine lune à Figueroles. Ouais. Et le lieu, déjà, est magnifique. Oui. Et puis, il nous accueille de façon tout à fait généreuse. Et voilà. N'oubliez pas non plus que la caravane passe le mardi à 18h et elle est rediffusée le vendredi à 20h. Je remercie Stéphane pour la technique, oui, et la programmation. Merci beaucoup, musicale. Stéphane. Et moi, je vous dis à dans 15 jours avec une nouvelle invitée. Voilà, vous savez tout. Ça va, ça s'est bye bien bye passé. Bye bye. Bah ça, ouais, nickel. Ouais, bon, on se fait des frites.